Merci et merci d'être toujours fidèle à l'histoire en podcast. Alors, comme c'était annoncé dans le podcast précédent, nous allons nous intéresser à un concile pas comme les autres, un concile d'une élévation morale et spirituelle bien plus considérable que tous les conciles mérovingiens, qui est le concile d'Orange de 529, présidé par Césaire d'Arles. En effet, la majorité des conciles traitent de sujets pastoraux, disciplinaires ou liturgiques. Dans le domaine de la liturgie, d'ailleurs, plusieurs conciles reviennent curieusement sur l'interdiction d'enterrer l'évêque avec les draps de l'autel. Parmi tous les conciles mérovingiens, un concile traite d'un sujet purement dogmatique. C'est celui qui est donc présidé par l'évêque d'Arles, Césaire, et il a pour but de réfuter les arguments de l'hérésie semi-pélagienne sur la grâce et le libre arbitre. Écrit en latin d'église, le style est, comme pour les conciles les plus prestigieux, efficace, incisif et concret, tout en laissant transparaître une élévation de pensée remarquable. Sujet brûlant, sujet grave. Cette hérésie est bien implantée en France, avec des figures de proue non négligeables, issues principalement de l'école de théologie de Provence. Jean Cassien, Vincent de Lérins, Fos de Ries. Seul pouvait y répondre un théologien d'une même étoffe, pour avoir eu les mêmes maîtres, l'ancien moine de Lérins, Césaire, connu après sa mort sous le nom de Saint Césaire d'Arles. Césaire rassemble donc le concile à Orange en 529. La ville se trouve en territoire wisigoth, mais le roi des Ostrogoths, Théodoric, semble y exercer la tutelle. Les évêques siègent en présence du préfet du prétoire, Liberius. Ne comptant que 13 évêques réunis pour l'objectif modeste de consacrer une basilique, construite d'ailleurs par ce même préfet du prétoire, le concile connaîtra un rayonnement beaucoup plus important que tous les autres conciles mérovingiens. Il sera cité jusque dans le concile de Trente et est présent aujourd'hui dans le catéchisme de l'Église catholique. Une lettre adressée au pape Félix IV, écrite par Césaire, présente les résultats du concile et demande son approbation. Celle-ci est donnée finalement par une lettre de Boniface II, le successeur de Félix IV, et l'échange de lettres est ajouté au texte du concile. D'ailleurs, on voit la confiance étonnante dont les papes font preuve à l'égard de Césaire. Pourquoi une telle attitude ? En tant qu'évêque métropolitain d'Arles, Césaire est aux yeux des papes de Rome leur légat officiel pour la Gaule. En effet, inquiet du droit d'ingérence reconnu au roi dans la nomination des évêques après le fameux concile d'Orléans I en 511, Rome, qui souhaite garder le contrôle sur l'Église, dont elle est la tête, fait d'Arles le siège de son vicaire pour les Gaules. Césaire est donc un évêque au pouvoir exorbitant par rapport à ses confrères, puisqu'il peut présider un concile sur des points de dogme sur lesquels le pape n'exerce qu'un contrôle a posteriori. En outre, s'il doit réfuter les thèses des semi-pélagiens, c'est bien parce que cette hérésie a trouvé naissance en Gaule. Une telle illustration du principe de subsidiarité au sein de l'Église est assez rare de nos jours. Aujourd'hui, il semblerait que l'Église ne déléguerait plus à des conciles régionaux le soin de trancher des questions d'ordre dogmatique. Mais il n'y a pas de fatalité. Donc, le prochain podcast, là il s'agissait plutôt de la forme, mais le prochain podcast va s'intéresser au contenu de cette réfutation a été en bonne et due forme de la thèse semi-pélagienne. Alors le prochain podcast ne sera pas tout à fait un podcast comme les autres, ça sera un podcast sur des sujets véritablement théologiques, fait par quelqu'un qui malheureusement n'a pas eu de formation théologique comme moi-même. Et je vais essayer de donc vous restituer un peu réflexion qui a été menée par les pères conciliaires, qui se sont appuyés d'ailleurs sur des textes précédents, dont ils se sont inspirés, dont ils ont recopié quelquefois les formules, mais qu'ils ont mis en forme de façon extrêmement intelligente et efficace, toujours dans cet esprit très de législateur, très à la romaine. Mais mais montrant aussi finalement que par ce concile, ils ont pu répondre à la question à une finalement une tendance semi-pélagienne, une hérésie semi-pélagienne qui, si elle n'existe plus aujourd'hui et si elle n'est pas autant organisée, est encore infusée dans notre culture. Et on la voit réapparaître souvent sur les plateaux télé, dans les débats, dans divers endroits, encore aujourd'hui. Merci et restez fidèles donc à l'histoire en podcast. Je vous attends dans le prochain podcast sur le contenu vraiment dogmatique de ce concile d'Orange. Merci, à bientôt.